vie pour la vraie, quel parcours notre vie. Iblis diabolique, réplique, c'est cyclique, sera-le pas. Zoula dans la tête, la fête, la test. Route du New York, on rêve gosse, remplir les poches comme Pablo. Avoir plein de bibelots, du genre Jacogo, sortir de ses queblots, fais ça en smalto. Cacro, on était là, on avait le sentiment de servir à rien. Pendant chaque jour, nos proches disparaissaient un par un. D'abord anonyme, NAP est devenu un patronyme. On traînait dans la fange, pauvre comme les gens du Gange, puis comme Shaka Zulu. En conquête, Strasbourg est devenu notre fief. Paris conquis, grâce à l'esprit originel du hip-hop. Le respect, comme tu vois, les Kaira, les Tierka connaissent ça. La guerre du rap existe pas. Chouf-nous, Sully, Kondo, Wam et puis l'Albi fait Gadjo. Au sommet de Paris, au balcon du monde du rap. Les bas-fonds du monde, au sommet de Paris, j'ai grandi. Et quoi qu'on en dise, je sais que j'aurai mon paradis. Si demain m'attend, peut-être le monde en guise de présent. Pour moi et les miens, mes frères et les tiens. Les bas-fonds du monde, au sommet de Paris, j'ai grandi. Et quoi qu'on en dise, je sais que j'aurai mon paradis. Si demain m'attend, peut-être le monde en guise de présent. Pour moi et les miens, mes frères et les tiens. Yeah. J'arrive en toi comme un message de Dieu 100%. Au mic puissant, quand dans mes veines s'écoule le pur sang. C'est moi j'en vois mieux, je me sens dans ma réalité. Je me laisse porter, et quand le son pénètre en portée. J'suis plein de style et ma clique est pleine de potentiel. Ce que je dis me permettra de toucher le ciel, garçon. J'suis pas fait pour stagner sur le sol. Mon envol d'un geste d'école, le résultat d'une nouvelle école. L.A.P. ma fille a la clique, un même combat, la même histoire que chacun vit au-delà de nos états. Dame que l'on manifeste au pied des tours, l'air indigeste, la suffocation, l'émanation de rage, d'attention. J'suis né pour autre chose, vivre ailleurs, car grande ma destinée. Le flambeau porté, représenter mon peuple confiné, 100 ans d'esclavage. Et j'veux pas qu'ici l'enfer continue, t'es prévenu. Entre tes mains, ton sort est détenu. Vivre libre ou bien prisonnier. Vivre fier sans m'humilier, jamais plier. Ouais, j'ai opté pour mon MIC. Opté pour mon MIC. Kondo, Des bas-fonds du monde, au sommet de Paris, j'ai grandi. Et quoi qu'on en dise, je sais que j'aurai mon paradis. Si demain m'attend, peut-être le monde en guise de présent. Pour moi et les miens, mes frères et les tiens. Des bas-fonds du monde, au sommet de Paris, j'ai grandi. Et quoi qu'on en dise, je sais que j'aurai mon paradis. Si demain m'attend, peut-être le monde en guise de présent. Pour moi et les miens, mes frères et les tiens. On était possédés par l'esprit animal, Gunblad. Des milliers d'espérades qui habitent les blocs comme moi savent la vie qu'on avait sombre, grise, quotidien pourri. HLM, immigrés pauvres, on rêvait tous d'une autre vie. On a pris le rap comme ça pour s'évader de la prison de l'existence. C'est Disney qui nous a donné notre vraie chance. On a grandi avec PMD, Big Daddy Kane. Alors que les petits b-boys ne connaissent même pas MC Shin. On vit la vraie vie, on rappe la vraie vie, on parle de la vraie vie. Même au top, on se transforme pas en lèche SMC. Je reste le même, veste en cuir, Scott là, jeans droit, les tiers cas. Je traîne toujours avec Mustapha. J'ai pas changé comme Julio, je suis le même El Maro. Toujours pareil, pas d'appareil, pour moi y'a pas deux mots. Des bas-fonds du monde, au sommet de Paris, j'ai grandi. Et quoi qu'on en dise, je sais que j'aurai mon paradis. Si demain m'attend, peut-être le monde en guise de présent. Pour moi et les miens, mes frères et les tiens. Des bas-fonds du monde, au sommet de Paris, j'ai grandi. Et quoi qu'on en dise, je sais que j'aurai mon paradis. Si demain m'attend, peut-être le monde en guise de présent. Pour moi et les miens, mes frères et les tiens.